Le porte-parole de l'Association nationale des Coréens aux États-Unis a publié le 25 une déclaration contre les autorités sud-coréennes qui ont assassiné le paysan Peng Nam-gi par la répression fasciste. La déclaration fait part de la mort du paysan par suite du coup de canon à eau de la police et invite tous à faire disparaître le gouvernement de Park Geun-hye, bande des assassins, par la force unie de la population.